Chapitre 3e. Malgré sa jeunesse, M. Aurélien Prêt-Avoine n'avait pas l'habitude de manifester extérieurement les impressions qu'il éprouvait, car dès son enfance, on lui avait appris à s'observer et à se tenir en garde aussi bien contre les mouvements de son cœur que contre les surprises de son esprit. Mais en entendant sa mère annoncer qu'elle le faisait venir pour le marier, il n'avait pas été maître de retenir l'exclamation qui lui était montée aux lèvres « Me marier, moi !» « Cette idée vous contrarie ?» répondit Madame Prêt-Avoine avec une certaine roideur. « Mon Dieu, non, mais j'avoue qu'elle me surprend. S'il n'y a que de la surprise chez vous, cela importe peu. Et que voudriez-vous qu'il y ait en plus, ma mère ?»« Je vous le demanderai, en vous priant de vous expliquer franchement. » Ses demandes et ses réponses avaient été dites simplement et rapidement, comme s'il s'agissait de choses de peu d'importance. Cependant, les regards qui les accompagnaient, de même que la façon dont certains mots étaient prononcés, marquaient bien que la mère et le fils se comprenaient. Et que s'ils s'en tenaient à ces paroles un peu vagues, c'était qu'ils avaient de part et d'autre leur raison pour ne pas s'engager plus avant. Dans ces simples mots de Madame Prêt-Avoine, « Cette idée vous contrarie », il y avait tout un monde. C'était une invitation à la confession, et en même temps, par le ton, c'était une menace. « Si cette idée vous contrarie », semblait-elle dire, « expliquez-moi pour quelles raisons. » Mais n'oubliez pas que je n'accepterai pas ces raisons, que je les combattrai, et que je suis une femme à laquelle on ne résiste pas. « Et ce mariage que vous désirez ?» dit Aurélien après un moment de silence. « Est-il seulement arrêté en théorie, ou bien avez-vous une personne en vue ?»« J'ai une personne en vue. C'est Mademoiselle Bérangère de La Rochaudon. » Si Aurélien avait éprouvé un moment de surprise, en entendant sa mère lui déclarer qu'elle le rappelait près d'elle pour le marier. Cette surprise se changea en stupéfaction lorsque le nom de Mademoiselle de La Rochaudon fut prononcé, et alors même que son exclamation ne l'eût pas trahi, sa mère, qui l'observait, eut vu au changement de sa physionomie combien profondément il était troublé. Il restait les sourcils arqués, les yeux arrondis, la bouche grande ouverte. « Moi, » dit-il enfin, « vous, moi, fils d'un banquier, mon fils. » Si ceux qui, quelques heures auparavant, avaient vu Madame Prêt-Avoine entrer à l'église Saint-Étienne, les yeux baissés, marchant avec humilité, avaient entendu ce cri, mon fils, et le ton de hauteur superbe avec lequel il avait été jeté, ils auraient cru assurément que leurs yeux les avaient alors trompés, ou bien que leurs oreilles les trompaient maintenant. « Mais tout nous sépare, » poursuivit Aurélien. « Je ne vous ai pas dit que ce mariage fut facile. Il est impossible. Vous croyez ? Mais la fortune, elle l'interrompit en lui fermant la bouche avec la main. La fortune du comte de La Rochaudon est une belle fortune, voulez-vous dire? Considérable, il me semble. Croyez-vous donc que je cherche pour vous une femme sans dot? D'ailleurs, ne jugez pas votre propre fortune, mon cher Aurélien, d'après la part qui vous est revenue dans l'héritage de votre père. Ce n'est pas à vous, qui étudiez le droit, que je veux parler de quotité disponible, d'usufruit, de communauté. Vous savez bien que, marié sous le régime de la communauté, j'ai pris tout d'abord la moitié de ce que nous avions acquis, votre père et moi, pendant notre mariage. De plus, votre père, m'ayant par testament légué tout ce dont il pouvait disposer, vous n'avez eu à vous partager, vos trois sœurs et vous, que les trois quarts de la moitié de la fortune qui appartenait à votre père et à moi. Ne parlez donc pas de fortune. Je parle de ce que j'ai. Pensez plutôt à ce que vous aurez un jour. Et à ce sujet, je vais vous dire aujourd'hui quelles sont mes intentions à cet égard. » Il fit un geste pour interrompre, mais elle continua. « Le moment est venu de nous expliquer. Vous n'êtes plus un enfant, et je dois vous dire ce que je veux faire pour vous aussi bien que ce que j'attends de vous. Votre père a eu, grâce à Dieu, une mort chrétienne, véritablement édifiante. Mais par malheur, il lui était resté de sa jeunesse certaines idées, que malgré mes efforts, je n'ai jamais pu chasser entièrement de son esprit. Je les combattais, elles paraissaient abattues et déracinées, puis elles reprenaient vigueur. Enfin, c'est en vertu de ces idées qu'il a cru devoir obéir aux dispositions du code pour le partage de sa fortune. C'est donc le code qui vous a été attribué à vous, comme à vos sœurs, les trois quarts de ce que possédait votre père au moment de son décès, pour être partagé entre vous tous également. Cela mit vos sœurs, toutes les trois bien mariées, dans une excellente position. Je pense et j'estime qu'elles ont assez. Aussi mon intention, ou pour mieux dire, ma volonté bien arrêtée, que rien ne changera, est-elle de vous faire maître, maître unique, de tout ce que je possède. Mais il y a l'article 913 du Code civil qui régit les Français, dit-il, et nous sommes en France. Croyez bien que je connais l'article 913 et la loi qui régit les Français. Mais si je connais celle qui les régit aujourd'hui, je connais aussi celle qui les régissait autrefois. Pendant des centaines d'années, le droit d'aînesse a régi la France. Le fils aîné héritait du titre et de la fortune, les cadets entraient dans l'armée, les filles allaient au couvent. Avant qu'il y eût une France, le droit d'aînesse était la loi de tous les pays, et il a été aussi la loi du peuple de Dieu. Si un jour, le droit d'institution divine a été, comme tant d'autres, détruit par la Révolution, il n'a pas pour cela cessé d'exister, et il est resté au-dessus des lois de circonstances et de politique. Aussi, je vous assure que dans ma conscience de chrétienne, je ne me crois nullement obligé d'obéir à ces lois. Il est difficile de leur échapper. Je ne me révolterai pas contre parce que je ne suis qu'une femme, mais je ferai tout pour échapper aux chaînes qu'elles veulent m'imposer. Ce qui est d'institution divine, ce qui a été bien pendant des centaines d'années, ce qui est bien encore aujourd'hui en Angleterre, en Espagne, en Russie, ne devient pas mal du jour au lendemain parce que des révolutionnaires ont pu mettre leur volonté au-dessus de celle de Dieu. Vous êtes le mal de la famille. La fortune entière de la famille sera demain pour vous, comme elle eût été pour vous il y a 100 ans, comme elle serait pour vous si vous étiez anglais ou russe, au lieu d'être français. Vous voyez que j'ai réfléchi à votre article 913 et que je sais ce que je fais. Au reste, laissez-moi vous dire que votre interruption me surprend vivement. Elle m'eût paru naturelle chez un étudiant en droit de l'école de Paris, mais je croyais qu'à Louvain, dans une université catholique. Aurélien s'était laissé faire docilement la leçon en fils respectueux, mais à ce mot il crut pouvoir se défendre. « La lumière des principes qu'on nous enseigne, dit-il d'un ton doctoral, tombant sur l'ensemble de notre législation, nous montre mieux qu'à tous autres quels sont ses points défectueux, et nous croyons que c'est faire preuve d'un vrai respect, d'un véritable amour pour nos lois, que de chercher à les réformer dans le sens de la perfection, c'est-à-dire d'un accord avec la loi de Dieu. Croyez donc bien, ma chère maman, que je n'ai pas voulu justifier l'article 913. J'ai voulu simplement vous signaler ces dispositions, auxquelles il me paraît bien difficile d'échapper. De cela, ne prenez pas souci, c'est mon affaire. Lorsqu'on voit clairement son but, et qu'on a la conviction d'accomplir un devoir en le poursuivant, on l'atteint toujours. La loi est mauvaise, nous la tournerons. Vous ne serez donc pas victime de cet article 913, et vous recueillerez seul, tout seul, ce qui vous appartient. Ceci expliqué, vous n'avez pas à vous effrayer de la fortune du comte de La Roche-Audon. Je ne m'en effraie pas, dit-il en souriant. Madame Prêt-à-Boine voulut bien trouver ce mot spirituel et en rire. Mais sans se laisser distraire, elle poursuivit. Je veux dire que si votre rapport dans le mariage n'est point égal à celui de Mademoiselle de La Roche-Audon, il ne sera pas ridicule, comme vous paraissiez le craindre, et comme il eût été vraiment si votre part eût été égale à celle de vos sœurs. Si grâce à vous, chère mère, cet apport n'est pas ridicule, il y en a un autre qui, quoi que vous fassiez, le sera toujours. Ce sera celui de mon nom. Si tout à l'heure, dans ma surprise, j'ai parlé de fortune, j'aurais dû avant tout parler de naissance. Madame Prêt-à-Boine secoua la tête en femme qui n'acceptait pas cette objection. Il poursuivit. Par votre intelligence, par vos efforts, par votre génie des affaires, le mot n'est que juste, puisque tout le monde le répète. Vous avez pu me gagner une fortune, mais vous ne pouviez pas me gagner un titre. Et d'ailleurs, l'eussiez-vous pu que ce titre eût été de nulle valeur aux yeux du comte de La Roche-Audon. Vous avez voulu, chère mère, que j'apprenne l'histoire et la généalogie de notre contrée. Vous en plaignez-vous? Oui, en ce moment, mais c'est pour la première fois. C'est en voyant quels obstacles vous êtes exposé à rencontrer dans cette noblesse du comte. Cette noblesse remonte authentiquement à la conquête de la Normandie par les Normands. Lorsque Roland, en 914, partagea au cordeau entre ses compagnons d'armes, terras funiculo divisit, c'est l'expression latine, la province qu'il venait de conquérir, le fief de La Roche-Audon fut attribué à Turold de Frison, de qui part la maison de La Roche-Audon. Plusieurs Turold ont accompagné le duc Guillaume dans la conquête de l'Angleterre par les Normands. Et il y a encore, à la tête de la noblesse anglaise, une famille Turold, comme il y a en tête de la noblesse française des Turold de La Roche-Audon. Pendant 900 ans, les La Rochaude ont écrit leur nom dans l'histoire de France. Leur fortune a eu des éclipses, il est vrai, mais elle a eu aussi des splendeurs rayonnantes. Ils ont monté, ils ont baissé, ils n'ont jamais disparu. Je vous demandais tout à l'heure si vous pensiez que je vous avais cherché une femme sans dot. Je vous demande maintenant si vous pensiez que je vous en chercherais une sans naissance. Il y a naissance et naissance. Une jeune fille de bonne noblesse pourrait accepter le fils d'un banquier d'Annebeau. Alors surtout qu'on lui montrerait les avantages matériels de ce mariage. Mais Mademoiselle Bérangère n'est pas seulement de bonne noblesse. Et puis à côté d'elle, il y a son grand-père, il y a le comte, qui est le plus pur représentant de l'Ancien Régime. Le connaissez-vous donc mieux que moi? Je ne sais de lui que ce qui est su de tout le monde, mais il me semble que ce qui est de notoriété publique suffit bien pour justifier mon objection. Pensez donc, chère mère, qu'il n'y a pas un acte dans la vie du comte de La Rochaudon qui n'ait été l'affirmation, la proclamation de ses principes et de ses croyances. Après la Révolution de 1830, il donne sa démission pour rester fidèle au roi, et à 30 ans, il brise de sa propre main la belle carrière qui s'ouvrait devant lui. Si en 1848 il accepte d'être élu représentant, c'est pour défendre la royauté à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée législative. Il suffit de parcourir une histoire de cette époque pour savoir le rôle important qu'il a joué alors. Beaucoup plus ferme que Berryer lui-même, il est opposé à la fusion et la combat franchement. Au coup d'état de décembre, il est un des premiers représentants qu'on arrête. Et alors qu'il s'est retiré ici, il ne cesse pas un jour de faire une opposition à l'Empire, qui a donné bien des ennuis à tous les sous-préfets qui ont passé à Condé. En 1860, lorsqu'il voit le Saint-Siège menacé par la Révolution et abandonné par la politique tortueuse de l'Empire, il part pour Rome. À 63 ans, il s'engage comme un jeune homme dans les troupes de notre Saint-Père et il se bat courageusement d'abord à Castelfidardo, ensuite à Ancône, où trouver parmi les contemporains un homme qui est tenu plus haut la bannière de la foi. Madame Prêt-à-Bonne avait écouté ce petit discours en souriant. « J'aime vous entendre parler ainsi, dit-elle, et j'espère que plus tard, vous montrerez au vieux comte l'admiration que sa conduite politique vous inspire. Cela pourra être utile pour faire sa conquête. On parle bien lorsqu'on est inspiré par la conviction. Et je vous promets que nous la ferons, cette conquête. Ne croyez pas que je me berce d'illusions ou que ma tendresse maternelle m'aveugle. Ce projet, dont je vous fais part aujourd'hui, je le nourris et l'étudie depuis plusieurs années. Vous n'étiez encore qu'un petit enfant que mon parti était pris à l'égard de votre mariage. Vous épouseriez une femme riche et avant tout noble. Toute mon ambition, je l'ai mise dès ce moment en vous. Ce que je ne pouvais être, moi, pauvre femme misérablement élevée, sans éducation, sans autre instruction que celle que je pouvais me donner, vous le seriez vous. C'est pour vous que j'ai voulu la fortune, c'est pour vous que j'ai travaillé. C'est en vue de ce mariage qui serait le mien, car je vivrai en vous. C'est aussi en vue de ce mariage que je vous ai fait instruire par les meilleurs maîtres que j'ai pu réunir. Du jour où je me suis attaché à cette idée qui a été le ressort de ma vie, rien ne m'en a distrait, et tous mes efforts personnels n'ont eu d'autre but que sa réalisation. Je ne me suis plus créé une relation, je n'ai plus rendu un service qu'avec la pensée de l'intérêt que j'en pourrais tirer un jour, le jour de votre mariage. Si vous saviez, mon cher Aurélien, quelle force on trouve dans une idée fixe à laquelle on se donne entièrement, corps et âme. Et je ne me suis douté de rien. Il n'était pas nécessaire que vous eussiez connaissance de mon projet. Il valait même mieux vous le cacher. Vous étiez trop jeune pour en sentir toute l'importance. Et je voulais vous laisser votre liberté. En même temps, qu'en ne vous avertissant pas, je prévenais toute indiscrétion. Et aujourd'hui, suis-je le seul qui le connaisse, ce projet? J'en ai fait part à l'abbé Guillemite, qui en toute cette affaire a été mon conseil et qui sera notre allié. Lui seul connaît mon plan, quoique bien des personnes aient déjà concouru à son exécution. Mais ces personnes ont agi sans savoir l'intérêt qui les mettait en jeu, et sans se douter des services qu'elles me rendaient. Ce sera même chose plaisante que leur surprise quand elles apprendront la vérité. Et à la pensée de cette surprise, Madame Prêt-à-Bonne eut un rire silencieux qui eût assurément inquiété plus d'un de ses alliés s'il avait pu le voir et le comprendre. Cette femme, que son mari autrefois et ses amis maintenant appelaient toute bonne, n'était peut-être pas aussi douce que son petit nom semblait l'indiquer. « C'est donc pour Mademoiselle de La Rochaudon, poursuivit-elle, que j'ai abandonné notre maison de banque à la mort de votre père. Sans doute, j'aurais pu la garder et nos actionnaires le souhaitaient vivement, eux qui me connaissaient tous et m'avaient vu à l'œuvre. Mais j'avais besoin de ma liberté, et il était indispensable aussi que je n'eusse plus à m'occuper que d'une seule affaire, à laquelle je me consacrerais entièrement corps et âme, votre mariage. C'est aussi pour mademoiselle de La Roche-Audon que j'ai quitté Annebault, où tant de liens me retenaient cependant, et que je suis venu me fixer dans cette ville, après avoir acheté cette maison, qui me fait la voisine du comte. Enfin, c'est pour elle que depuis que je suis ici, je me suis créé des relations avec toutes les personnes qui approchent le comte et ont une influence quelconque sur lui. Si bien qu'aujourd'hui je tiens à peu près toutes ces personnes dans ma main et que je puis les faire agir quand l'heure sera venue. Jusqu'à ce moment, elle avait parlé debout devant son fils, appuyé d'une main sur la table, tandis que lui l'écoutait, assis à son aise dans un fauteuil bas. Elle prit une chaise et, s'asseyant à son tour, mais sans s'éloigner, se rapprochant même plutôt de manière à tenir son fils bien en face d'elle, sous ses yeux et à l'envelopper dans son geste, elle continua. « Vous m'avez parlé tout à l'heure de la fortune du comte de La Roche-Audon comme tout le monde en parle à Condé. La vérité est cependant que cette fortune se trouve pour le moment fort embarrassée. Ce que vous ne savez pas et ce que je sais moi, c'est que cette fortune a toujours été territoriale et que le comte n'a jamais possédé de capitaux ni de valeurs. Les dettes considérables faites par son fils et qu'il a voulu payer à la mort de celui-ci, même celles qu'on ne paye pas d'ordinaire, ont grevé ses propriétés de grosses hypothèques, si bien que pour le moment et pour plusieurs années encore, la totalité presque entière de ses revenus est et sera absorbée en remboursement et en services d'intérêt. Dans ces conditions, il lui serait donc très difficile, pour ne pas dire impossible, de donner une dot à Mademoiselle Bérangère. Il faudrait pour cela qu'il vendît plusieurs des propriétés qui lui viennent de ses pères ou bien qu'il rase à ses forêts, et ce serait pour lui un terrible sacrifice. Quant au mari qui épouse sans toucher immédiatement une dot et qui veulent bien se contenter d'espérance, vous savez comme moi qu'ils sont rares. Vous voyez donc que voilà un obstacle qui n'est pas si formidable qu'il a pu vous paraître lorsque vous le regardiez de loin. Et la naissance? Il en est de la naissance comme de la fortune, il faut aller au fond des choses. Si Mademoiselle Bérangère était la fille du comte, vous auriez pleinement raison dans votre objection. Elle est sa petite-fille, sa seule enfant, son héritière, parfaitement. Et de plus, on dit qu'il éprouve pour elle une véritable adoration. Cela est très vrai encore. Mais cette adoration ne peut pas faire que le comte soit son père, alors qu'il n'est que son grand-père. Son père est mort, sans doute, mais sa mère vit encore. Et nous devons même prier Dieu de veiller sur les jours de celle-ci, au moins jusqu'au lendemain du mariage de sa fille. Car c'est dans la rivalité de la mère et du grand-père que nous trouverons une arme puissante. Vous savez, n'est-ce pas, comment la mère de Mademoiselle Bérangère est devenue vicomtesse de La Roche-Audon. Ce mariage fut un désespoir et une honte pour le comte. Déjà, le vicomte avait causé bien des chagrins à son père. D'abord, en ne donnant pas sa démission lors du rétablissement de l'Empire, car si le comte avait accepté que son fils entrât à l'école militaire en 1848, c'était avec la pensée que l'officier républicain passerait au service du roi lorsque Henri V replacerait sur sa tête la couronne de France. Non seulement le vicomte ne donna pas sa démission, mais encore il devint un des favoris de la nouvelle cour. Ce ne fut pas tout. Il avait recueilli la fortune de sa mère. Il la dissipa avec une prodigalité qui fit de lui un des rois de la vie parisienne. Puis tout à coup, il vint annoncer à son père qu'il allait se marier avec une veuve dont le nom était alors célèbre dans le monde où il brillait, la princesse Sobolevska, une Russe, une Polonaise, on ne sait trop, en tout cas une aventurière. C'était la première visite qu'il faisait à son père depuis qu'il s'était attaché à la fortune de l'empereur, ce fut la dernière. Le comte refusa son consentement à ce mariage scandaleux. Mais le vicomte avait atteint l'âge où l'on peut remplacer le consentement paternel par des sommations. Le mariage se fit. Naturellement, il fut malheureux. On plaida en séparation de corps, les deux époux lançant l'un contre l'autre les accusations les plus graves et les plus scandaleuses. J'ai lu le compte-rendu de ce procès. Il n'y eut pas eu qu'un procès. Il y en eut plusieurs, qui durèrent pendant 3 ou 4 ans, et qui amusèrent le public aux dépens des deux époux. Vous pouvez vous représenter quelle fut la douleur du vieux comte en voyant son nom, dont il était si justement fier, devenu un objet de risée. Les tribunaux, en prononçant la séparation de corps, décidèrent que l'enfant serait remis à son grand-père pour être élevé près de lui et par lui. Ceci se passait avant la guerre. Fait prisonnier avec l'armée de Metz, le vicomte mourut en captivité. Comme vous devez bien le penser, cette guerre à coups de procès a donné naissance à une haine implacable entre le comte et la vicomtesse. La Vru déteste son beau-père et le beau-père déteste sa Vru en même temps qu'il la méprise. Cette femme qui porte son nom et qui, paraît-il, le déshonore, est pour lui un objet de honte et de dégoût. C'est cette haine qui, à un moment donné, nous ouvrira une porte, ne l'oubliez pas. Et comment cela? Le comment importe peu pour le moment. Considérez seulement quelle est la situation, et vous verrez tout de suite quels avantages elle pourra offrir à ceux qui sauront l'exploiter. Les jugements qui ont enlevé la vicomtesse de La Roche-Audon, la garde de sa fille, n'ont pas pu briser les liens qui l'attachent à celle-ci. Elle est toujours sa mère, et en cette qualité, elle conserve, n'est-ce pas, les droits de puissance paternelle ou maternelle, je ne sais comment dire, que la loi attribue aux pères et mères, sans aucun doute. Il résulte donc de ces droits que Mademoiselle de La Roche-Audon ne peut pas se marier sans le consentement de sa mère. Cela est incontestable. Il faut donc, si le comte et sa petite-fille choisissent un mari, que la vicomtesse agrée ce mari et consente au mariage de sa fille. Je ne vois pas trop comment on arrivera à la marier, au moins avant qu'elle atteigne l'âge où elle pourra se passer du consentement de sa mère. Tout simplement manœuvrant avec adresse entre le grand-père et la mère, de telle sorte que tous deux croient qu'ils se jouent mutuellement un mauvais tour en mariant la jeune fille. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je crois que nous pourrons triompher des difficultés qui se présenteront. Pour ce qui est du comte, j'admets votre confiance, mais pour la vicomtesse. Je vous ai dit que j'avais préparé toutes mes batteries. Puisque nous aurons à lutter contre Madame de La Roche-Audon, j'ai dû m'occuper d'elle. Où donc est-elle? Depuis sa séparation, elle a été un peu partout, à Vienne, à Londres, dans les villes d'eau. Depuis peu, elle s'est installée à Rome avec son fils, l'enfant de son premier mariage, le prince Obolowski, le frère de Mademoiselle Bérangère, frère de mère bien entendu, mais enfin assez frère cependant pour hériter de la fortune entière du comte de La Roche-Audon si Mademoiselle Bérangère venait à mourir après son grand-père et ses enfants. Quelle inquiétude pour le comte! Aussi doit-il vouloir ardemment que sa petite-fille se marie et qu'elle ait des enfants, ce qui, soit dit en passant, est une bonne chance pour nous. Mais pour revenir à la vicomtesse de La Roche-Audon et pour répondre à votre question, sachez que lorsque le moment d'agir sera venu, j'aurai de puissantes influences à faire mettre en jeu auprès d'elle. D'ailleurs, s'il le faut, nous irons nous-mêmes à Rome. C'est un voyage que nous entreprendrons très probablement, non seulement dans ce but, mais encore dans un autre, non moins important, dont je vous entretiendrai plus tard. C'est bien assez d'affaires pour aujourd'hui, et présentement nous devons concentrer toute notre attention et tous nos efforts sur la question que je viens de vous poser, celle de votre mariage. Je vous ai fait part de mon désir, je vous ai expliqué mon plan, en vous faisant toucher du doigt ses côtés forts et ses côtés faibles. Mais il y a un point qui n'a pas été abordé entre nous et qui cependant est le principal, celui d'où nous devons partir. Et quel est-il? C'est celui qui vous touche personnellement. Vous savez quel est mon désir, mais moi je ne sais pas quelles sont vos intentions. Je vous ai dit que je voulais ce mariage. Avant d'aller plus loin, c'est à votre tour de me dire si vous le voulez aussi. C'est là ce qui nous reste à examiner. Madame Prittabone s'était rapprochée de son fils, et comme elle était assise sur un siège plus élevé que celui qu'il occupait, elle le tenait sous elle, sous son geste, comme sous son regard. Elle avait prononcé ces dernières paroles, les yeux attachés sur son visage. Elle vit qu'il éprouvait un mouvement de trouble, bien léger et bien fugitif, il est vrai, mais qui ne pouvait pas échapper à une attention aussi vivement tendue que la sienne. Avant de lui laisser le temps de répondre à la question qu'elle venait de lui poser et même d'y réfléchir, elle poursuivit. Quand l'idée de ce mariage m'est venue, je vous avoue que je n'ai pas douté une minute de votre acceptation. J'ai pensé que vous seriez comme moi frappé des avantages considérables qu'il vous offre, car enfin, ce n'est pas seulement la fortune qu'il vous donne, c'est la porte des honneurs et du pouvoir qu'il vous ouvre à deux battants. Assurément, mon cher enfant, j'ai pleine confiance dans votre avenir et je suis convaincu que vous êtes appelé à de hautes destinées. Que vous réalisez pleinement les espérances que nos amis ont conçues, j'en suis certaine. Vous serez le champion de l'Église dans notre contrée et le défenseur de notre sainte religion menacée. Avec les connaissances que vous avez acquises, avec les talents naturels dont vous êtes doué, avec la foi qui vous anime, vos succès seront grands. Cela, je le sens et je le sais à l'avance. Cependant, il n'en est pas moins vrai que ces succès, si grands qu'ils soient, ne vous donneront pas tout de suite le rang auquel vous devez monter un jour. Tandis que ce rang, vous y arriverez d'un bond par le fait seul de votre mariage. Vous ne serez plus seulement M. Aurélien Prêt-à-Boine, homme de talent et de courage, vous serez le petit-fils du comte de La Roche-Audon, et bien des portes qui vous seraient restées fermées s'ouvriront d'elles-mêmes. Alors, où ne pouvez-vous pas atteindre ? Voilà, mon enfant, comment j'ai raisonné quand j'ai conçu le plan de ce mariage. Cependant, je reconnais que vous pouvez très légitimement ne pas raisonner comme moi, et n'être pas disposé à vous marier. J'avoue que jusqu'à cette heure, je n'avais envisagé cette question de mariage que pour une époque plus éloignée. Je n'ai aucune répulsion pour le mariage, seulement je n'aurais pas cru que vous songiez à me marier si tôt. Je comprends cela moi-même, mais enfin, pour bien préciser, je veux vous demander si les circonstances vous forçant à ce mariage, vous l'acceptez en toute liberté. Mais, ma mère, jamais je ne voudrais vous faire violence. Si vous aviez quelque répugnance contre ce mariage, une raison quelconque pour le refuser, une raison légitime, bien entendu, ouvrez-vous franchement à votre mère. » Il hésita un moment, et il essaya de regarder sa mère en face, mais il baissa les yeux bien vite, troublé et embarrassé. « Je n'ai aucune raison pour repousser un projet qui nous offre de si grands avantages, » dit-il enfin. « Et c'est du profond du cœur que je vous remercie, ma mère, de l'avoir conçu. » Sur ce mot, Madame Prêt-à-Boine se leva, et prenant son fils dans ses deux bras, elle l'embrassa plusieurs reprises. La joie rayonnait sur son pâle visage, ses yeux ardents lançaient des flammes, et ses lèvres minces tremblaient d'émotion. « Oh, mon fils, mon cher fils, » répétait-elle, « mon cher enfant. » Il semblait que dans cette explosion de joie, il y eut comme un sentiment de triomphe inespéré. Cette émotion se calma assez vite, et Madame Prêt-à-Boine reprit sa figure impénétrable. « J'étais tellement préoccupée par cet entretien, dit-elle, que j'ai oublié de vous expliquer pourquoi je vous ai fait venir en grande hâte, et vous devez vous demander si c'est seulement pour résoudre théoriquement cette question que vous avez quitté Louvain. Il est vrai, car Mademoiselle de La Roche-Audon est bien jeune et il me semble que rien ne presse pour décider ce mariage. Je vous ai fait appeler ici pour que vous puissiez voir Mademoiselle de La Roche-Audon et lui faire votre cour. Il me semble que c'est par là que les choses doivent commencer, sans que cela hâte la conclusion. Je serai d'autant plus satisfait de la voir que je la connais fort peu. Elle m'est apparue à l'église et dans les endroits où le hasard m'a fait la rencontrer comme une enfant charmante. Mais en évoquant son image, je ne retrouve guère dans mon souvenir que de beaux cheveux blonds et des yeux de biche effarés. Et où dois-je la voir ? Ici. Chez vous ? Oui, chez moi. La surprise qui se montra sur le visage d'Aurélien ne fut pas moins vive que celle qui avait apparu au moment où sa mère lui avait annoncé qu'elle l'appelait à Condé pour le marier. Elle se prit à sourire. « Je comprends votre étonnement, » dit-elle, « et je ne veux pas exaspérer votre curiosité. Vous savez combien le comte apporte de réserve dans ses relations et combien est petit le nombre des personnes qu'il admet dans son intimité. C'est un choix qui vaut presque un titre de noblesse. Encore y a-t-il beaucoup de familles nobles de la contrée qui n'ont jamais franchi la grille de la Rouvraie, et chez lesquelles le comte n'a jamais daigné mettre les pieds. Cependant, il viendra ici de samedi en huit avec sa petite fille, et c'est pour que vous m'aidiez à les recevoir que je vous ai appelé près de moi. Mais ceci mérite explication. Il est vrai. Et je veux vous satisfaire. Vous avez connu, lors de votre dernier séjour ici, les démarches entreprises par la société anglaise pour l'érection d'un temple protestant à Condé. Vous savez quelle clameur s'est élevée dans la contrée lorsqu'on a appris que dans un pays catholique comme le nôtre, dans une ville épiscopale, habitée par une population religieuse, l'orgueil anglican voulait construire une chapelle qui serait une injure à notre foi. Ce n'est pas la première fois que les Anglais qui se sont fixés dans le pays soulevaient cette insolente prétention. Et toujours elle avait été repoussée. Elle l'eût été encore sans doute si Monseigneur avait rigoureusement résisté. Car bien que nous soyons en République, le clergé n'a pas perdu toute puissance et il peut encore se faire écouter lorsqu'il élève la voix. Par malheur, élever la voix, est-ce que Monseigneur sait le moins ? Son besoin de conciliation à tout prix le paralyse, et d'autre part, parce qu'il a occupé autrefois une charge à la cour de l'empereur, il n'ose rien entreprendre. Son origine, qui lui avait mis un boulet aux jambes pendant l'Empire, le lui maintient depuis que l'Empire est tombé. On lui a promis que dans cette chapelle le service serait célébré en anglais, et prenant cela pour une concession, il n'a pas persisté dans une opposition qui, bien et vigoureusement menée, eut encore une fois fait échouer le projet des Anglais, si bien que les fondations de la chapelle sont creusées et qu'on va poser la première pierre. Aurélien écoutait attentivement, mais un homme qui cherche vainement à comprendre ce qu'il entend. « Vous ne voyez point, n'est-ce pas ?» continua sa mère, « le rapport qui peut exister entre la construction de cette chapelle et la visite du comte. Cependant, c'est cette chapelle qui amènera le comte ici, ou plutôt c'est l'habileté de l'abbé Guillemite. Bien que les Anglais aient souscrit des sommes considérables pour leur chapelle, les dépenses probables excèdent encore le montant des souscriptions. Il faut donc combler ce déficit, et pour commencer, Lady Sarah Barrington a organisé pour samedi un grand bazar de vente au profit de cette chapelle, et elle a invité non seulement la société anglaise, mais encore toute la ville. Vous savez quelle influence Lady Sarah Barrington s'est acquise par sa fortune, les agréments de sa maison et aussi, il faut le dire, sa générosité. Son bazar sera approvisionné des choses les mieux choisies, et les comptoirs seront tenus par les jeunes filles et les jeunes femmes les plus agréables de la société anglaise. Il aura beaucoup de monde, cela est malheureusement certain. Qu'auriez-vous fait pour empêcher ou tout au moins atténuer ce scandale ? Il resta sans répondre. « Vous ne trouvez pas ?»« Eh bien, l'abbé Guillemite a trouvé lui, et son inspiration est un trait de génie. Car tout en servant la cause de notre sainte religion outragée, elle sert en même temps nos intérêts les plus chers, c'est-à-dire votre mariage. Au bazar des Anglais, nous opposons le tirage de notre loterie de Saint-Pierre. » Mais il reste un grand nombre de billets à placer, il me semble. Je les ai pris. Sans doute c'est un sacrifice, mais l'importance du résultat à atteindre l'emportait de beaucoup sur la question de l'argent. Nous élevons église contre église et nous engageons franchement la lutte. Nos invitations sont prêtes, nous allons les lancer. La ville et la contrée se prononceront. Nous verrons ceux qui viendront au tirage de notre loterie et nous verrons ceux qui iront au bazar. Nous nous compterons et les bons seront séparés avec les mauvais. Je comprends. C'est ici, chez vous, que se tire la loterie. Je suis trésorière de l'œuvre, et cette qualité fera oublier à certaines personnes orgueilleuses que je ne suis qu'une bourgeoise enrichie. Ceux qui n'auraient jamais accepté une invitation de Madame Prêt-à-Boine seront obligés de venir chez la trésorière. C'est là qu'est l'inspiration admirable de l'abbé Guillemite. Grâce à lui, je prends possession de cette partie de la société qui, jusqu'à ce jour, n'avait voulu voir en moi que la veuve d'un banquier. C'est ainsi que le comte de La Rochedon a promis de venir avec sa petite fille. Et vous en verrez bien d'autres. Au tirage de la loterie s'ajoute une collation où je ferai servir une table exquise et des vins comme on n'en a jamais bu à Condé. Que dites-vous de cette idée de notre cher abbé ? C'est admirable.